بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس السادس عشر في تفسير كتاب الله تعالى nous sommes donc aujourd'hui au 16e cours dans l'exégèse du livre d'Allah le très haut ونبدأ اليوم في سورة جديدة. On commence aujourd'hui une nouvelle sourate. Suratu At-Takwir. La sourate At-Takwir. فأخرج الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت. الترمذي il a cité dans son jami' selon Ibn Omar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui désire, celui qui souhaite voir le jour de la résurrection comme s'il le voyait de ses propres yeux, comme s'il le voyait de ses propres yeux, alors qu'il récite Ida shamsu kuwirat. Donc la sourate At-Takwir qui commence par le verset Ida shamsu kuwirat. Donc ce qui est voulu par là, c'est la sourate At-Takwir. Ainsi que Ida samaa unfatarat. Et donc ce qui est voulu par là, c'est la sourate Al-Infitar qu'on verra par la suite. Et aussi Ida samaa unshaqqat, la sourate Al-Inshiqaq. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الصور فيها ما يخوف الإنسان من هذا اليوم ويحرك القلوب لتلين ويستسلم المرء لأمر ربه الله تعالى. Et donc il y a dans ce hadith, dans ce récit prophétique, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il y a dans ces sourates qui ont été citées ce qui fait peur à l'individu concernant ce jour terrible, le jour de la résurrection, et qui va faire bouger les cœurs afin qu'ils s'adoucissent, et ce qui va permettre aussi à l'individu de se soumettre à l'ordre de son Seigneur, Allah le Très-Haut. Fait ta'ala. Alors Allah le Très-Haut qui dit dans cette sourate, Ida shamsu kuwirat, lorsque le soleil sera enroulé, wa ida nujumun kadarat, et lorsque les étoiles chuteront, wa ida al-jibal usuyirat, et lorsque les montagnes seront déplacées, wa ida al-ishar uqtilat, et lorsque les chamelles pleines seront délaissés, wa idha al-wuhush hushirat, et lorsque les bêtes seront rassemblées, wa idha al-bihar suddirat, et lorsque les mers, lorsque les océans seront enflammés, wa idha an-nufus zuwijat, et lorsque les âmes seront accouplées. Et donc la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Wa idha shamsu kuwirat » et lorsque le soleil sera enroulé. « Ay luffat kama tulaffu al-imama » et donc le soleil sera enroulé comme on enroule l'imama. L'imama qu'on met, donc le turban qu'on met autour de la tête. « Fayudammu ba'duha ila ba'd » chaque bout du turban est donc rapproché, est collé à l'autre. On entoure donc ce turban autour de la tête. Donc le soleil sera entouré comme cela. فَإِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ ذَهَبَ ضَوْءُهَا. Lorsque cela sera fait au soleil, alors sa lumière s'en ira. Sa lumière partira. Et c'est pour cela que dans certaines traductions, on voit Donc, wa idha shamsu kuwirat, lorsque le soleil sera obscurci. Ça, c'est l'explication de ce qui sera passé, de ce qui va se passer avec le soleil. Donc, le soleil sera enroulé. Et après être enroulé, le soleil donc va perdre sa lumière. وَأَلْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّارِ إِرَاضَةً لِلَّذِينَ يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِهِ. Et Allah tabaraka wa ta'ala va jeter le soleil dans le feu pour accabler ceux qui l'adoraient, pour accabler ceux qui adoraient le soleil en dehors d'Allah ta'ala. فَهَلْ تُصَوِّرُونَ هَذِهِ الشَّمْسِ العظيمة تلف ويضم بعضها إلى بعض حتى يذهب نورها. Et donc, est-ce que vous imaginez ce grand soleil qui sera enroulé et chaque partie sera donc collée à une autre? Chacune de ces parties sera collée à une autre jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Man la yakhafu min hadha al-amr, qui n'a pas peur de cette situation? Fa ha'ula alladhina ya'buduna ash-shamsa wal-qamar sayadhkuruna anna hadhihi al-ibadata la tanfa'uhum. Alors ces gens qui adorent le soleil et la lune se rappelleront à ce moment-là que cette adoration ne leur est pas profitable, ne leur a pas été profitable. وقد بين الله تعالى ذلك وحذر من عبادة الشمس والقمر وبين أنهما من الآيات الدالة على خالقهما. Certes, Allah Ta'ala a clairement montré cela et il a mis en garde contre le fait d'adorer le soleil et la lune. Et il a montré clairement que ce sont des signes. Le soleil et la lune sont des signes qui montrent l'existence de leur créateur et sa puissance. Allah Ta'ala qui dit dans le Coran: "Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Il y a parmi ces signes la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. Sourate Fussilat, le verset numéro 37. Ensuite, Allah le Très-Haut qui nous dit « Wa idha nujumun kadarat » et lorsque les étoiles chuteront. « Aïe, idha tasaqatat nujum » donc lorsque les étoiles tomberont, وقال عطاء تمطر السماء يومئذ نجوما فصارت هباء منثورا. عطاء a dit, il pleuvra en ce jour des étoiles qui deviendront alors une poussière éparpillée. وإذا الجبال سيرت, et lorsque les montagnes seront déplacées. أي قلعت على وجه الأرض عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا, c'est-à-dire que les montagnes seront enlevées de la surface de la terre et deviendront poussière éparpillée. وإذا العشار عطلت, et lorsque les chamelles pleines seront délaissées. هي النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر, ce sont les chamelles qui sont pleines depuis 10 mois. Les chamelles qui sont pleines depuis 10 mois. La yazalu hadha al-ismu yutlaqu 'alayha hatta tad'a. Et ces chamelles ne cessent d'être appelées comme cela, Ishar, jusqu'à ce qu'elles mettent bas. Donc à partir du moment où elles sont pleines depuis 10 mois, on les appelle Ishar. Et on les appelle comme cela jusqu'à ce qu'elles mettent bas. وَهِيَ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ حِينَ إِذٍ. Et à cette époque, c'était les biens des Arabes les plus valorisés. فالناس يوم القيامة لا يهتمون بأنفس أموالهم التي كانوا يهتمون بها أشد ما يكون في الدنيا. Et donc les gens, au jour de la résurrection, n'accorderont aucune importance à leurs biens leurs plus valorisés, à l'âme, leurs biens les plus valorisés auxquels ils accordaient tant de valeur ici-bas. فهنا إذن لا يهتم فهنا إذن الكل يهتم بنفسه من شدة الأهوال في ذلك اليوم. En ce jour-là, chacun sera occupé, préoccupé par sa propre personne, tellement il y aura des situations terrifiantes en ce jour. تأملوا بعض الناس يتعب ليلا ونهارا لهذه الأموال فإذا جاء يوم واحد وهو القيامة تركت هذه الأموال فلماذا تسعى خلفها إذن. Méditez, certaines personnes, ils courent nuit et jour derrière l'argent, derrière ses biens. Et lorsque viendra un jour, ce jour-là, le jour de la résurrection, lorsque viendra ce jour-là, alors ces biens-là seront délaissés. Et donc, pourquoi est-ce que tu cours après ces biens ici-bas? Pourquoi est-ce que tu cours autant après ces biens-là? Allah Ta'ala qui dit après cela, « وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ » Et lorsque les bêtes seront rassemblées. « فَالنَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُشَاهِدُونَ الدَّوَابَ يُكْتَصُ بَيْنَهُمْ » Les gens, au jour de la résurrection, ils verront les bêtes jugées d'entre elles et donner, il sera donné le droit à chacune d'entre elles. وفي هذا كمال عدل الله تعالى. Il y a en cela l'aspect parfait de la justice d'Allah Ta'ala. وفيه التحذير من الظلم. Il y a aussi en cela la mise en garde contre l'injustice. فإنه يقتص بين البهائم فكيف بالناس فيما بينهم. Car il sera jugé d'entre les bêtes, alors que dire? Que dire des hommes entre eux? فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. L'imam muslim a cité dans son recueil Sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Vous allez rendre aux ayants droit leur dû le jour de la résurrection, à tel point que il sera jugé et donné le droit d'entre la chèvre qui n'avait pas. La chèvre qui n'avait pas de cornes et la chèvre qui avait des cornes. فَتَنَبَّهُوا لِهَذَا الْأَمْرِ وَلَا تَظْلِمُوا النَّاسَ شَيْئًا. Alors, faites attention à cela et ne faites injustice à quiconque. Allah Ta'ala qui dit comme dans Sahih Muslim, يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي فَوَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et je l'ai décrété interdit entre vous. Alors ne vous faites pas d'injustice. Allah Ta'ala, qui dit aussi après cela dans cette sourate, il nous dit « وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ » Et lorsque les océans seront enflammés. قَالَ ابْنَ عَبَّاسْ رَجَلَّهُمَا اُوْقِدَتْ فَصَارَتْ نَارًا. Les océans, les mers, l'eau sera embrasée et deviendra du feu. فهذه البحار العظيمة تمتثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا. Et donc, cette eau qui représente à peu près trois tiers de la terre. Trois tiers de la terre. ومع هذا كله Et malgré cela, toute cette quantité, cette eau sera allumée, enflammée et deviendra du feu. Alors comment sera ce feu? gigantesque. À ce moment-là, la terre va s'assécher, car il ne restera plus d'eau. Et ceci est une situation terrible et effrayante. Et en ce jour, les gens seront divisés en groupe. C'est pour cela que Allah Ta'ala il dit wa idha an-nufus zawwijat. Et lorsque les âmes seront accouplées. Fas-salihu ma'a as-salihi fil jannah. Alors le pieux sera avec le pieux au paradis. Was-sayyi'u ma'a as-sayyi'i fil nar. Et le mauvais sera avec le mauvais dans le feu. Wa la yughni ahadun 'an ahad. Et personne ne peut être profitable, quoi que ce soit, à quiconque. Allah Ta'ala qui nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour durant lequel ni bien, ni enfants ne seront profitables. Rien de tout cela ne sera profitable. Sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Juste ça. Et donc le fait que ton cœur soit préservé du polythéisme, des innovations, des désobéissances, des passions. Voilà ce dont tu as besoin réellement. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver de tout mal et d'être capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.